Chapitre 2. La noce eut lieu vers la mi-décembre. Elle fut simple, les mariés n'étant pas riches. Césaire, vêtu de neuf, se trouva près dès 8 heures du matin pour aller quérir sa fiancée et la conduire à la mairie. Mais comme il était trop tôt, il s'assit devant la table de la cuisine et attendit ceux de la famille et les amis qui devaient venir le prendre. Depuis 8 jours, il neigeait. Et la terre brune, la terre déjà fécondée par les semences d'automne, était devenue livide, endormie sous un grand drap de glace. Il faisait froid dans les chaumières coiffées d'un blanc bonnet, et les pommiers ronds dans les cours semblaient fleuris, poudrés comme au joli mois de leur épanouissement. Ce jour-là, les gros nuages du nord, les nuages gris, chargé de cette pluie mousseuse, avait disparu. Et le ciel bleu se déployait au-dessus de la terre blanche, sur qui le soleil levant jetait des reflets d'argent. Césaire regardait devant lui par la fenêtre, sans penser à rien, heureux. La porte s'ouvrit. Deux femmes entrèrent, des paysannes endimanchées, la tante et la cousine du marié. Puis 3 hommes, ses cousins, puis une voisine. Ils s'assirent sur des chaises et ils demeurèrent immobiles et silencieux. Les femmes d'un côté de la cuisine, les hommes de l'autre, saisis soudain de timidité, de cette tristesse embarrassée qui prend les gens assemblés pour une cérémonie. Un des cousins demanda bientôt: « C'est-il point l'heure ?» Césaire répondit: « Je crains bien que oui. Allons en route, » dit un autre. Ils se levèrent. Alors Césaire, qu'une inquiétude venait d'envahir, grimpa l'échelle du grenier pour voir si son père était prêt. Le vieux, toujours matinal d'ordinaire, n'avait point encore paru. Son fils le trouva sur sa paillasse, roulé dans sa couverture, les yeux ouverts et l'air méchant. Il lui cria dans le tympan: « Allons, mon père, levez-vous, v'là le moment de la noce. » Le sourd murmura d'une voix dolente: « Je peux plus, j'ai quasiment une froidure qui m'a gelé le dos. « Je peux plus remuer. » Le jeune homme atterré le regardait, devinant sa ruse. « Allons, paix, faut vous y forcer. »« Je peux point. » »« Tenez, je vais vous aider. » Et il se pencha vers le vieillard, déroula sa couverture, le prit par les bras et le souleva. Mais le père amable se mit à gémir. « Oh, quelle misère! Je peux point, j'ai le dos noué, c'est quelque vent qu'aura coulé par-dessus maudit toit. » Césaire comprit qu'il ne réussirait pas, et furieux, pour la première fois de sa vie contre son père, il lui cria: « Eh ben, vous ne dînerez point, puisque je faisons le repas à l'auberge Hippolyte, ça vous apprendra à faire le têtu. » Et il dégringola l'échelle, puis se mit en route, suivi de ses parents et invités. Les hommes avaient relevé leurs pantalons pour n'en point brûler le bord dans la neige. Les femmes tenaient haut leurs jupes, montraient leurs chevilles maigres, leurs bas de laine grise, leurs quilles osseuses, droites comme des manches à balai. Et tous allaient en se balançant sur leurs jambes, l'un derrière l'autre, sans parler. Tout doucement, par prudence, pour ne point perdre le chemin disparu sous la nappe plate, uniforme, ininterrompue des neiges. En approchant des fermes, ils apercevaient une ou deux personnes les attendant pour se joindre à eux. Et la procession s'allongeait sans cesse, serpentait, suivait les contours invisibles du chemin, avait l'air d'un chapelet vivant, aux grès noir, ondulant par la campagne blanche. Devant la porte de la fiancée, un groupe nombreux piétinait sur place en attendant le marié. On l'acclama quand il parut, et bientôt Céleste sortit de sa chambre, vêtue d'une robe bleue, les épaules couvertes d'un petit châle rouge, la tête fleurie d'oranger. Mais chacun demandait à Césaire « Où qu'est ton pé ?» Il répondait avec embarras. Il ne peut plus se remuer, vu les douleurs. Il est fermé, hochait la tête d'un air incrédule et malin. On se mit en route vers la mairie. Derrière les futurs époux, une paysanne portait l'enfant de Victor comme s'il se fût agi d'un baptême. Et les paysans, deux par deux, à présent, accrochés par le bras, s'en allaient dans la neige avec des mouvements de chaloupe sur la mer. Après que le maire eut lié les fiancés dans la petite maison municipale, le curé les unit à son tour dans la modeste maison du bon Dieu. Il bénit leur accouplement en leur promettant la fécondité, puis il leur prêcha les vertus matrimoniales, les simples et saines vertus des champs, le travail, la concorde et la fidélité, tandis que l'enfant, pris de froid, piaillait derrière le dos de la mariée. Dès que le couple reparut sur le seuil de l'église, des coups de fusil éclatèrent dans le fossé du cimetière. On ne voyait que le bout des canons, d'où sortaient de rapides jets de fumée. Puis une tête se montra qui regardait le cortège. C'était Victor Lecoq, célébrant le mariage de sa bonne amie, fêtant son bonheur, et lui jetant ses vœux avec les détonations de la poudre. Il avait embauché des amis, 5 ou 6 valets laboureurs pour ses salves de mousquerie. On trouva qu'il se conduisait bien. Le repas eut lieu à l'auberge de Polyte Cacheprune. 20 couverts avaient été mis dans la grande salle où l'on dînait au jour de marché. Et l'énorme gigot, tournant devant la broche, les volailles rissolées sous leur jus, l'andouille grésillant sur le feu vif et clair, emplissait la maison d'un parfum épais, de la fumée des charbons francs arrosés de graisse, de l'odeur puissante et lourde de la nourriture campagnarde. On se mit à table à midi, et la soupe aussitôt coula dans les assiettes. Les figures s'animaient déjà, les bouches s'ouvraient pour crier des farces, les yeux riaient avec des plis malins. On allait s'amuser, pardi. La porte s'ouvrit, et le père amable parut. Il avait un air mauvais, une mine furieuse, et il se traînait sur ses bâtons, en geignant à chaque pas pour indiquer sa souffrance. On s'était tu en le voyant paraître. Mais soudain, le père Malivoire, son voisin, un gros plaisant qui connaissait toutes les manigances des gens, se mit à hurler, comme faisait Césaire, en formant porte-voix de ses mains. « Hé, vieux dégourdi, t'en as-t-il un nez d'avoir senti t'chêter la cuisine à Polyte ?» Un rire énorme jaillit des gorges. Malivoire, excité par le succès, reprit. « Pour les douleurs, y a rien de tel qu'un cataplasme d'andouille. Ça tient chaud le ventre avec un verre de 3-6. » Les hommes poussaient des cris, tapaient la table du poing, riaient de côté en penchant et relevant leurs torses comme s'ils eussent fait marcher une pompe. Les femmes gloussaient comme des poules, les servantes se tordaient debout contre les murs. Seul, le père amable ne riait pas et attendait, sans rien répondre, qu'on lui fît place. On le casa au milieu de la table en face de sa bru, et dès qu'il fut assis, il se mit à manger. C'était son fils qui payait après tout, il fallait prendre sa part. À chaque cuillère de soupe qui lui tombait dans l'estomac, à chaque bouchée de pain ou de viande écrasée sur ses gencives, à chaque verre de cidre, et de vin qui lui coulait par le gosier. Il croyait regagner quelque chose de son bien, reprendre un peu de son argent que tous ses goinfres dévoraient, sauver une parcelle de son avoir enfin. Et il mangeait en silence, avec une obstination d'avare qui cache des sous, avec la ténacité sombre qu'il apportait autrefois à ses labeurs persévérants. Mais tout à coup, il aperçut au bout de la table l'enfant de Céleste sur les genoux d'une femme, et son œil ne le quitta plus. Mais il continuait à manger, le regard attaché sur le petit, à qui sa gardienne mettait parfois entre les lèvres un peu de fricot qu'il mordillait. Et le vieux souffrait plus des quelques bouchées sucées par cette larve que de tout ce qu'avalaient les autres. Le repas dura jusqu'au soir, puis chacun rentra chez soi. Césaire souleva le père amable. « Allons, mon pé, faut retourner, dit-il, et il lui mit ses deux bâtons aux mains. Céleste prit son enfant dans ses bras et ils s'en allèrent, lentement, par la nuit blafarde qu'éclairait la neige. Le vieux sourd, aux trois quarts gris, rendu plus méchant par l'ivresse, s'obstinait à ne pas avancer. Plusieurs fois même, il s'assit, avec l'idée que sa bru pourrait prendre froid. Et il geignait, sans prononcer un mot, poussant une sorte de plainte longue et douloureuse. Lorsqu'ils furent arrivés chez eux, il grimpa aussitôt dans son grenier, tandis que Césaire installait un lit pour l'enfant auprès de la niche profonde où il allait s'étendre avec sa femme. Mais comme les nouveaux mariés ne dormirent point tout de suite, ils entendirent longtemps le vieux qui remuait sur sa paillasse. Et même, il parla haut plusieurs fois, soit qu'il rêvât, soit qu'il laissât s'échapper sa pensée par sa bouche malgré lui, sans pouvoir la retenir, sous l'obsession d'une idée fixe. Quand il descendit par son échelle le lendemain, il aperçut sa bru qui faisait le ménage. Elle lui cria « Allons, mon pé, dépêchez-vous, v'là de la bonne soupe !» Et elle posa au bout de la table le pot rond de terre noire plein de liquide fumant. Il s'assit, sans rien répondre, prit le vase brûlant, s'y chauffa les mains selon sa coutume, et comme il faisait grand froid, il le pressa même contre sa poitrine pour tâcher de faire entrer en lui, dans son vieux corps roidi par les hivers, un peu de la vive chaleur de l'eau bouillante. Puis il chercha ses bâtons et s'en alla dans la campagne glacée, jusqu'à midi, jusqu'à l'heure du dîner, car il avait vu, installé dans une grande caisse à savon, le petit de Céleste qui dormait encore. Il n'en prit point son parti. Il vivait dans la chaumière comme autrefois, mais il avait l'air de ne plus en être et de ne plus s'intéresser à rien, de regarder ses gens, son fils, la femme et l'enfant comme des étrangers qu'il ne connaissait pas, à qui il ne parlait jamais. L'hiver s'écoula. Il fut long et rude. Puis, le premier printemps fit repartir les germes, et les paysans, de nouveau comme des fourmis laborieuses, passèrent le jour dans les champs, travaillant de l'aurore à la nuit, sous la bise et sous les pluies, le long des sillons de terre brune qui enfantaient le pain des hommes. L'année s'annonçait bien pour les nouveaux époux. Les récoltes poussaient drues et vivaces. On n'eut point de gelée tardive, et les pommiers fleuris laissaient tomber dans l'herbe leur neige rose et blanche qui promettait pour l'automne une grêle de fruits. Césaire travaillait dur, se levait tôt et rentrait tard. pour économiser le prix d'un valet. Sa femme lui disait quelquefois « Tu te feras du mal à la longue ». Il répondait « Pour sûr non, ça me connaît ». Un soir pourtant, il rentra si fatigué qu'il dut se coucher sans souper. Il se leva à l'heure ordinaire le lendemain, mais il ne put manger malgré son jeûne de la veille. Et il dut rentrer au milieu de l'après-midi pour se reposer de nouveau. Dans la nuit, il se mit à tousser. Et il se retournait sur sa paillasse, fiévreux, le front brûlant, la langue sèche, dévoré d'une soif ardente. Il alla pourtant jusqu'à ses terres au point du jour. Mais le lendemain, on dut appeler le médecin qui le jugea fort malade, atteint d'une fluxion de poitrine. Et il ne quitta plus la niche obscure qui lui servait de couche. On l'entendait tousser, haleter et remuer au fond de ce trou. Pour le voir, pour lui donner les drogues, lui poser des ventouses, il fallait apporter une chandelle à l'entrée. On apercevait alors sa tête creuse, salie par sa barbe longue, au-dessous d'une dentelle épaisse de toile d'araignée qui pendait et flottait, remuée par l'air. Et les mains du malade semblaient mortes sur les draps gris. Céleste le soignait avec une activité inquiète, lui faisait boire les remèdes, lui appliquait les vésicatoires, allait et venait par la maison. Tandis que le père amable restait au bord de son grenier, guettant de loin le creux sombre où agonisait son fils. Il n'en approchait point, par haine de la femme, boudant comme un chien jaloux. 6 jours encore se passèrent, puis un matin, comme Céleste qui dormait maintenant par terre, sur 2 bottes de paille défaites, allait voir si son homme se portait mieux. Elle n'entendit plus son souffle rapide sortir de sa couche profonde. Effrayée, elle demanda « Eh ben Césaire, que tu dis à nuit ?» Il ne répondit pas. Elle étendit la main pour le toucher et rencontra la chair glacée de son visage. Elle poussa un grand cri, un long cri de femme épouvantée. Il était mort. À ce cri, le vieux sourd apparut au haut de son échelle. Et comme il vit Céleste s'élancer dehors pour chercher du secours, il descendit vivement, tâta à son tour la figure de son fils et comprenant soudain, alla fermer la porte en dedans pour empêcher la femme de rentrer et reprendre possession de sa demeure, puisque son fils n'était plus vivant. Puis il s'assit sur une chaise à côté du mort. Des voisins arrivaient, appelaient, frappaient. Il ne les entendait pas. Un d'eux cassa la vitre de la fenêtre et sauta dans la chambre. D'autres le suivirent. La porte de nouveau fut ouverte. Et Céleste reparut pleurant toutes ses larmes, les joues enflées et les yeux rouges. Alors le père amable, vaincu, sans dire un mot, remonta dans son grenier. L'enterrement eut lieu le lendemain, puis après la cérémonie, le beau-père et la belle-fille se trouvèrent seuls dans la ferme, avec l'enfant. C'était l'heure ordinaire du dîner. Elle alluma le feu, tailla la soupe, posa les assiettes sur la table, tandis que le vieux, assis sur sa chaise, attendait, sans paraître la regarder. Quand le repas fut prêt, elle lui cria dans l'oreille « Allons, mon pé, faut manger. » Il se leva, prit place au bout de sa table, vida son pot, mâcha son pain verni de beurre, but ses 2 verres de cidre, puis s'en alla. C'était un de ces jours tièdes, un de ces jours bienfaisants où la vie fermente, palpite, fleurit sur toute la surface du sol. Le père amable suivait un petit sentier à travers les champs. Il regardait les jeunes blés et les jeunes avoines, en songeant que son enfant était sous terre à présent, son pauvre enfant. Il s'en allait de son pas usé, traînant la jambe et boitillant. Et comme il était tout seul dans la plaine, tout seul sous le ciel bleu, au milieu des récoltes grandissantes, tout seul avec les alouettes qu'il voyait planer sur sa tête, sans entendre leur chant léger, il se mit à pleurer en marchant. Puis il s'assit auprès d'une mare et resta là jusqu'au soir, à regarder les petits oiseaux qui venaient boire. Puis, comme la nuit tombait, il rentra, soupa sans dire un mot et grimpa dans son grenier. Et sa vie continua comme par le passé. Rien n'était changé, sauf que son fils Césaire dormait au cimetière. Qu'aurait-il fait, le vieux? Il ne pouvait plus travailler. Il n'était bon maintenant qu'à manger les soupes trempées par sa belle-fille. Et il les mangeait en silence, matin et soir. Et guettant d'un œil furieux le petit qui mangeait aussi en face de lui, de l'autre côté de la table. Puis il sortait, rôdait par le pays à la façon d'un vagabond, allait se cacher derrière les granges pour dormir une heure ou deux, comme s'il eût redouté d'être vu, puis il rentrait à l'approche du soir. Mais de grosses préoccupations commençaient à hanter l'esprit de Céleste. La terre avait besoin d'un homme qui les surveillât et les travaillât. Il fallait que quelqu'un fût là, toujours, par les champs. Non pas un simple salarié, mais un vrai cultivateur, un maître, qui connut le métier et eut souci de la ferme. Une femme seule ne pouvait gouverner la culture, suivre le prix des grains, diriger la vente et l'achat du bétail. Alors, des idées entrèrent dans sa tête, des idées simples, pratiques, qu'elle ruminait toutes les nuits. Elle ne pouvait se remarier avant un an et il fallait tout de suite sauver des intérêts pressants, des intérêts immédiats. Un seul homme la pouvait tirer d'embarras, Victor Lecoq, le père de son enfant. Il était vaillant, entendu aux choses de la terre. Il aurait fait avec un peu d'argent en poche un excellent cultivateur. Elle le savait, l'ayant connu à l'œuvre chez ses parents. Donc un matin, le voyant passer sur la route avec une voiture de fumier, elle sortit pour l'aller trouver. Quand il l'aperçut, il arrêta ses chevaux et elle lui dit, comme si elle l'avait rencontré la veille, « Bonjour Victor, ça va toujours ?» Il répondit, « Ça va toujours, et de votre part ?» « Oh, mais ça irait n'était que je suis seul à la maison, ce qui me donne du tracas vu les terres. » Alors ils causèrent longtemps appuyés contre la roue de la lourde voiture. L'homme parfois se grattait le front sous sa casquette et réfléchissait, tandis qu'elle, les joues rouges, parlait avec ardeur, disait ses raisons, ses combinaisons, ses projets d'avenir. À la fin, il murmura « Oui, ça se peut. » Elle ouvrit la main comme un paysan qui conclut un marché et demanda « C'est dit ?» Il serra cette main tendue. « C'est dit. » « Ça va pour dimanche alors ?»« Ça va pour dimanche. » « Allons. » « Bonjour Victor. » « Bonjour Madame Ulbrich. »